Line-in. Line-in. Vas-y, line-in. Line-in. Line-in. Je sais que tu sais ce que je vais te dire. Oh, t'es une voyante, toi? Hein? Une sublirénale. Oh. Alors, on y va. J'ai déjà dit aux gens qui. Vous pouvez être amis Facebook avec l'errant Rénadien, c'est-à-dire moi-même, en personne. Comment vous faites? C'est pas compliqué. Rénald, RAYNALD, espace gagné, GAGN, accent aigu, c'est moi. Et vous allez voir, c'est quoi dans mon visage sur Facebook? Est-ce un visage ou un. Ouais, un être dénaturé? Ah oui, c'est ça, je fais une petite grimace, j'ai l'air surpris. Je fais mon François de Bellefeuille de moi-même parce qu'on dit souvent que je ressemble à François de Bellefeuille, mais là j'ai les cheveux plus courts comme lui. En fait, c'est François qui suit mon style à la lettre et qui veut me ressembler. Donc cet été, si vous avez suivi mon Facebook, mon album estival, c'est le disque posthume de mon ami Johnny Cash, que son fils a trouvé. Il a trouvé des matrices et il a laissé ça entre les mains du producteur de Johnny Cash. Et ça a donné un album exceptionnel en version 2024 qui est sorti en juin. Et ça s'intitule Songwriter. Ben oui. Mais là, avant de passer à mon ami Johnny, on va placer le générique. Aujourd'hui, hey mon Dieu, aujourd'hui, le lundi, c'est fort, hein? Oui, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Hello out there, this is planet Earth, calling, calling, calling, calling, calling. Hello out there, our net worth is falling, falling, falling, falling, falling. We're the third from the sun, we are blue and white, spinning, spinning, spinning, spinning. If you wish upon a star, wish upon us tonight, we're dimming, dimming, dimming. Hello out there, we're in the Milky Way, sailing, sailing, sailing, sailing, sailing. In this final fight for life and peace, we're failing, failing, failing, failing. Hello out there, you'll see a morning star, gaining, gaining, gaining, gaining, gaining. And the Alpha and Omega will be raining, raining, raining, raining, raining. And the die is cast, and the lines are drawn, and the time is soon to be. When the angels sound their seven trumpets across the land and the sea, and the king will come and reign a thousand years and restore his earthly realm. And there will be no night, for he will be our light throughout eternity with him. hello, hello, hello, hello, hello. Allô Régent, allô Régent, allô Gaétan, allô Gaétan, allô Simone, allô Simone, allô Simone, allô Georgette, allô Georgette, allô Georgette, allô Marc, allô Marc, Luc, allô Marc, Luc, allô Marc, Luc, Sophie, Luc, Sophie, Luc, Sophie, Luc, Sophie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Allô, je tiens à dire un beau bonsoir, un beau bonsoir à tous les auditeurs de CKRL, de CKRL, de CKRL, de CKRL, de CKRL, de CKRL. Comment ça va? Comment avez-vous passé votre semaine et comment allez-vous affronter la prochaine qui est celle-ci, qui s'ouvre à nous, qui nous embrasse de partout? Êtes-vous prêt à conquérir 5 jours avant d'atteindre l'incroyable fin de semaine que nous mériterons sans aucun problème vendredi en fin de journée? Ou pour certains, vendredi dans la nuit, ou pour certains, vendredi matin, dépendant si vous êtes travailleur de jour, de soir, de nuit, ou si même vous n'avez pas de si vous n'êtes pas du lundi au vendredi, avez-vous hâte d'atteindre ces 2 jours de congé? Quelle personne a évalué que pour un être humain, son potentiel de résistance est de 5 jours, de 40 heures, par semaine? J'aimerais voir l'insignifiant, le bureaucrate, l'espèce de perdu dans l'espace. Oh, donc, moi, j'ai fait des études là, à l'école supérieure de Sète, en 8e. J'ai fait mon 8e cette fois. Et j'ai cherché comment fonctionnait la temporalité du genre humain par rapport au stress subséquent d'un travail qui devient de plus en plus obsessif et pour ne pas dire de plus en plus répétitif. La répétition amène la fatigue mentale et la fatigue mentale amène la dépression. La dépression amène les troubles. Et pour évaluer les troubles, il faut suggérer au genre humain du divertissement, histoire d'évaporer ou de lever la soupape du quotidien, histoire de déchirer, et je dis bien de déchirer, toute routine qui use l'humain en général, pour ne pas dire l'être terrien dans son ensemble. Alors, pour ces études, bien sûr, j'ai lu Robespierre, hein, Gilles Deleuze, Gaétan Lemelin, le Québécois Gaétan Lemelin, qui structurait sa pensée ainsi. Le vent amène le souffle nouveau qui déchirera, et il dit bien déchirer, déchirera les conventions humanistes. Donc, avant d'y arriver, il faut bien sûr déstructurer, dit-il à sa manière, déstructurer toute la façon de voir la vie en société et la vie dans le travail, qui est de l'esclavagisme à l'état pur, même si on nous fait croire qu'il n'existe plus d'esclaves sur Terre. Je crois, et il croit aussi, que chaque individu l'est dans son entité la plus pure et la plus intrinsèque. Merci. À la prochaine. Spotlight, don't let it show that my heart went with her when I let her go. Don't let anybody see within the soul of me, or they'll see that something there is not quite right. Tonight, spotlight, that's way too much. Let there be upon the air a tender touch. Let your magic velvet hue bathe me in a gentle blue, softly so there's not a single tear in sight tonight. Spotlight. Standing here alone, don't let me recall again anything that might have been. Let me feel that losing her will be alright tonight. Spotlight. Tonight. Spotlight. Tonight. Spotlight. Je vais partir sur une phrase de mon ami Gaston Couté, que vous connaissez sans doute dans son œuvre poétique. Là, ce que vous entendez là, là, c'est le vent que je me... Parce que je m'offre du vent, moi. C'est comme les shows de rock and roll, hein. On voit là les artistes avoir les cheveux qui s'envolent, ben, qui restent dans sur leur tête, mais qui s'envolent au vent. Ben c'est ça. Donc, c'est qui vague et divague dans des moments infinis. Et j'aime bien me donner un peu d'air pour ne pas paraphraser Diane Dufresne. Donnez-moi de l'oxygène. Il me faut mon oxygène. Et c'est ça. Désolé si c'est pas... Attendez, je vais baisser parce que je sais qu'on entend. Et ça peut très, très bien vous déranger. Moi, je fais de la couffaine, fait que c'est ça. Ah, voilà. C'est plus doux. Je sens moins le vent. Peut-être en mode 2. En mode 2, c'est... Ouais, en mode 2, vous entendez, OK? Alors, je vais mettre en mode 1. Alors, Gaston Couté, vous savez, je fais des improvisations, là, quelquefois. C'est une phrase, et puis c'est indiqué entre parenthèses, « Continuez », OK? Alors, « Dans vos yeux », ça, c'est le titre du texte de poésie de Gaston Couté, c'est « Dans vos yeux ».« Dans vos yeux, j'ai lu l'aveu de votre âme. » En caractère de flamme, et je mens, et je continue, OK? Alors, je la reprends. Dans vos yeux, ça, c'est le titre. Je commence le texte. Dans vos yeux, j'ai lu l'aveu de votre âme, en caractère de flamme, et je m'en excuse infiniment. Puisque de brûler ainsi notre amour m'amène à carboniser notre relation qui semble si florissante. Il faut plutôt voir cette rencontre comme un jardinier qui plante un à un le grain qui fera un jour une fleur, un fruit ou un légume. C'est moi! Oui, le légume, c'est lui. Et petit à petit, la pluie donnera son avis. Poussera-t-il? Poussera-t-elle? Sera-t-il aguichant? Sera-t-elle attirante? Pourvu que tout ça nous amène à des floraisons des plus excitantes. On se pose toujours la même question. À quel moment arracher le fruit, le légume? Que me dit le plant? Que me dit la fleur? Que me dit le fruit? Que me dit le légume? Dois-je le tenir dans la main et attendre qu'il tombe? Dois-je le cueillir par force, histoire de le placer dans un plat et attendre qu'il devienne comestible? C'est ça l'amour. Attendre, attendre, attendre. Laisser aller le temps. Laisser aller la flamme qui ne brûle pas. Parce que c'est une flamme poétique et non pas terrienne. Quoique la poésie est-il terrienne? La poésie est-il une poésie? La poésie est-il terrienne? Hein? Non, je sais, la conjugaison. Eh, monsieur, la poésie l'est-elle? Hein, papa? Ça, c'est pour s'en débarrasser. La poésie l'est-elle? Terrien ou terrienne, dit-il ou dis-tu? Oh! Demandons au père Lustugru. Non, on l'a déjà fait, celle-là. Alors, comme le disait Clémence, ben oui, on peut pas faire une émission sans parler de Clémence. Parce que dans vos yeux, hein, on dit la flamme, le fruit, le légume, laisser pousser. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi, encore une fois, il sera petit. C'est certain. J'en prendrai bien soin. Oui, j'en prendrai bien soin pour qu'il soit aussi beau que toi. Cet été, je ferai un jardin. I got a friend named Whiskey Sam. He was my boony rat buddy for a year and them. He said, is my country just a little off track? Took him 25 years to welcome me back. But it's better than not coming back at all. Many a good man I saw fall. And even now, every time I dream, I hear the men and the monkeys in the jungle scream. But drive on, it don't mean nothing. My children love me and they understand. And I got a woman that loves her man. Drive on, it don't mean nothing, it don't mean nothing. Drive on. I remember one night, Tex and me walked right up on 2VC. But we had our 16s on rock and roll, and we separated them from their soul. We were crazy and we were wild, and I have seen the tiger smile. I spit in a bamboo viper's face, and I'd be dead but by God's grace. Drive on, it don't mean nothing. My children love me and they understand. And I got a woman that loves her man. Drive on, it don't mean nothing, it don't mean nothing. Drive on. Well, a mortar fell 20 feet away, and I carry shrapnel to this day. I came home, but Tex did not, and I can't talk about the hit he got. I got a little limp now when I walk, and I got a little tremolo when I talk. But I finally found out who I am. I'm a walking, talking miracle from Vietnam. Drive on. It don't mean nothing, my children love me and they understand. And I got a woman that loves her man. Drive on, it don't mean nothing, it don't mean nothing. Drive on. We'll be right back. si c'est pas du génie, comme disait Gainsbourg, le génie, c'est des marteaux, mais il y a quelques fois, ça rend marteau. Mais dans le cas de Johnny Cash, ça le rend incroyablement intelligent et surtout incroyablement intemporel. J'ai découvert, parce que pendant que la chanson jouait, comme c'est mon album de l'année, de l'été, presque de l'année, oui. J'ai regardé pour le plaisir sur Google, j'ai écrit poésie Rénal Gagné et je suis arrivé sur un site que je ne savais même pas de. Ben, là, je m'en rappelle presque, là, mais c'est, ça s'appelle Flix, F-L-I-C-K-R. Et puis, je ne sais pas, ça doit être un carnet cybernétique. Et j'ai écrit ça, je m'en souviens très bien, parce que c'est un texte que j'avais rédigé il y a plusieurs années. Quand je vous dis plusieurs années, c'est en 1990, 89-90, et j'écris « Je suis poésie, douceur et magie. » Deux points, ouvrir les guillemets. « Fondre le plaisir en chimère pour proposer au mystère des rivières assoiffées d'épopées. » Avec pour seule visée une employée au baiser, une préposée à l'amour. Et voilà. Mais ça a changé. Après ça, j'ai modifié. J'ai enlevé assoiffé pour mettre un autre mot, donc je ne me souviens plus. Donc, il y a plusieurs dérivés, mais ça, c'est le premier jet d'un de mes textes. Sinon, mes amis, je veux vous parler, parce que quand même, ça fait quoi, 2-3 mois que c'est terminé, les Jeux Olympiques. Je compte les Jeux Olympiques. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jeu, normalement, c'est ludique. Et lorsque les enfants s'entraînent pour faire de la gymnastique ou n'importe quel sport, c'est un traumatisme, souvent. C'est une obligation, parce que s'ils performent, ben là, il y a de la pression. Et tout ça commence par dégénérer et ils sont très mal, encadrés. Ça n'a pas changé et on ne peut pas appeler ça un jeu. C'est de la compétition. De la compétition, c'est si on arrive à faire tomber l'autre, ben tant mieux. Et on veut sortir vainqueur d'un faux semblant. Et je trouve que c'est l'image de notre société. Les Jeux olympiques, c'est vraiment l'image la plus impure et la plus impudique et la plus dévastatrice de ce que l'on doit proposer au genre humain. Et surtout celui qui vient de naître et qui a une passion. Et quand on voit, nous, parents, la passion chez l'enfant, c'est pas non plus de l'amener au, entre guillemets, professionnalisme, mais c'est de le garder dans le jeu, dans l'intérêt, dans l'inventivité, dans la création la plus pure. Voilà. C'est lourd, et renseigne à dire non, pas tout le temps, pas tout le temps. Là, je comme disait Pauline Julien, j'ai l'âme à la tendresse, mais là, j'ai l'âme à, je sais pas, à pas grand-chose. Et sinon, Raymond hier soir. Savez-vous ce qui s'est passé, Raymond, hier soir? C'est pas Raymond hier soir, c'est Raymond, virgule, hier soir. Ah, mon Dieu Seigneur. Hey, on lui avait offert, parce que c'était son anniversaire, un gâteau. Mais pas, tu sais, normalement, c'est des gâteaux où on partage, mais c'était son petit gâteau à lui. Chez nous, on appelle ça un petit pet. Ça peut avoir plusieurs significations, le petit pet. Soit un vent que l'on n'attendait pas, hein? Donc, un vent qui vient, bien sûr, des intestins et qui se poursuit dans l'anus. Hein? Les gens qui sont gênés de dire des mots, hein? C'est vrai? Parce que quand on demandait d'appeler Québec dans les années 60-70, on ne disait pas Q, on disait Q. Q-U-E-B-E-C pour pas dire le mot Q. Parce que Q, si on le regarde comme ça, ben c'est un derrière, un Q. On était tellement pudiques. Puis nos divans, ça, je parle des années encore 60-70, nos divans, on leur mettait des genres de petites. Des cache-pieds. Parce que c'était indécent de voir les pieds, le pied de mon divan. Ben viens donc, tu sais quoi, c'est une invitation à la baisse. Aujourd'hui, c'est une invitation, mais à la baisse. Tout baisse, hein? C'est malade. On était des... Puis aujourd'hui, ça revient tout le temps. C'est cyclique. La merde est cyclique. C'est merveilleux. Les oiseaux de gazouille, hein? Les abeilles nous piquent. Et puis la curiosité aussi. Oh, que c'est beau, hein? Que c'est beau, la vie. On en redemande, hein? On dit, oh, la petite Mélanie, 2 ans et demi, qui dit pompon, tonton, lolon, tonton, notre avatar, matassin, nos voleurs. Ah, ça va faire une professeure. Hein? Je la vois déjà à l'école supérieure, avec sa petite baguette, là. Non, les enfants, on va venir faire une petite dictée, hein? OK, on y va avec la petite dictée. Hey, mais c'est ça, quand tu dis une dictée, là, quand tu dois lire, je vais prendre un texte là, quelconque, mais pas, non, pas un texte quelconque, mais on va prendre un... On va essayer de trouver ça, là. Êtes-vous prêts? Je vais écrire texte. Oh, qu'est-ce qu'il va nous offrir, le texte, là? Là, je fais aucune spécificité, texte. Bon, OK. Alors, on nous explique qu'est-ce qu'un texte, OK? Alors, c'est pas compliqué, je dis tout le temps ça, parce que j'ai peur que le monde se dise « Ah! » Un texte, là. On rentre là, dans la spécificité de la texture de l'écriture et donc il faut avoir une genre de formation, pas une genre, mais une formation. Ouais, une genre, c'est pas une formation. Un genre, c'est un genre. Un homme, c'est un homme. Êtes-vous genré ou dégenré? Ah, moi, je suis dégenré. Ah, mon, monsieur Bernal, ben, je me suis penché pour aller chercher mon dentier, mais je suis dégenré le dos, moi, là, au 3e degré. Ça me part du bas de la fesse. La fesse, c'est pas le pain de fesse, là. Moi, du bord de la fesse, puis ça me remonte jusqu'à tu sais, le disque. Je connais pas ça. Moi, je suis pas physiothérapeute et maro bababreux, mais ça me rentre dans le firmament pour m'étirer ça jusqu'à dans le cou, puis là, ça m'étire l'oreille. Puis là, c'est comme ça qu'on dirait que j'entends des sons. C'est pas de la schizophrénie. J'entends des sons. J'entends des textes qu'on m'envoie. Et là, c'est comme... Si je dois vous faire une dictée, un texte est une série orale ou écrite de mots perçus comme constituant un ensemble cohérent, là, on est loin d'errance rénadienne, là, cohérent, porteur de sens, et ça, j'aime pas ça, de sens, et utilisant les structures propres, déjà là. C'est très puriste. À une langue... Point. On arrête là. Okay. Alors là, quand tu dois dire... Les enfants, on va faire une dictée sur le texte. Un texte... Là, le professeur se promène. Un texte est une série... Elle se promène encore. Est une série... orale ou écrite... Orale ou écrite... de mots perçus... De mots perçus comme constituant un ensemble. Comme constituant un ensemble. Mmh. Hey, là, on perd des enfants, là. Hey, monsieur. Cohérent porteur de sens. Cohérent porteur de sens. Hey, là, Timmy, là, il est là, là. Ah, le crayon à l'envers. En utilisant. Ah non, et utilisant, pardon, c'est I. Non, écrivez pas en, hein, c'est E. Si vous écrivez « en », c'est deux fautes, là. Parce que je vous ai dit « non ». Alors, c'est « et ». Et utilisant les structures propres. Et utilisant les structures propres. Structures propres à une langue. À une langue. Point. Final. Alors, je répète, pour les gens qui... ont perdu, sans doute, la déraison. Perdre la raison. Un texte est une série orale ou écrite de mots perçus comme constituant un ensemble cohérent, porteur de sens et utilisant les structures propres à une langue. Mmh. Vive ce genre de professeur-là. It sure has been a party, hasn't it, baby? We've really been down that road a time or two. We checked into the best hotels from San Francisco to Paris and lived like royalty, me and you. But remember years ago in that church in Ottawa, we told God of our love and asked for His care. And so He made us happen and He blessed us. So if we were in the fold or out, He was always there. And I love you tonight, even more than I loved you in the 60s. And I know that we are right, even more than I knew it in the 70s. Oh baby, ain't we a sight? Can you believe we made it through the 80s? And will we make the millennium? Well, we might. I love you tonight. It's funny how we never settle down, though we love our home and sitting by the fire. But we can't be at home for 3 days till we get itchy feet. And people always ask, when are you gonna retire? But your people have always been my people, and you have always gone wherever I go. And when it's all over, I hope we will go together. I don't want you to be alone, you know. And I love you tonight, even more than I loved you in the 60s. And I know that we are right, even more than I knew it in the 70s. Oh baby, ain't we a sight? Can you believe we made it through the 80s? And will we make the millennium? Well, we might. I love you tonight. Dans cette chanson, on entend Johnny Cash qui dit « On y va ». Écoutez bien. It sure has been a party, hasn't it, baby? We've really been down that road a time or two. We checked into the best hotels from San Francisco to Paris. Voilà. Je parle pas anglais, ok? Je connais rien dans cette langue de Shakespeare, mais j'ai un respect. Pas parce que je comprends pas, ou que je respecte pas. Et puis il dit, il dit de où? on va réécouter, ok? Excusez-moi. Vous le savez, moi, je m'en rappelle plus. On y va. It sure has been a party, hasn't it, baby? We've really been down that road a time or two. We checked into the best hotels from San Francisco to Paris. Ah oui. Donc, il dit, dans un hôtel de San Francisco à Paris. Ben, moi, j'ai jamais vécu, j'ai jamais voyagé en dehors de la francophonie. Ou presque. Parce que grâce à Eric, en 89, Eric A., parce que je ne le nommerai pas, parce que peut-être qu'il ne veut pas. Nous sommes allés à Dublin. Nous sommes allés à Amsterdam. Les ports d'Amsterdam. J'ai jamais vu les ports d'Amsterdam, c'est vrai. C'est vrai, la chanson de Brel. Là. Mais on a passé dans le quartier qu'on appelle en guillemets « Ride Light ». quartier de la prostitution, puis tout ça, puis on a regardé, puis on a comme été des journalistes, parce qu'on a... On n'a pas payé, on n'avait pas une maudite scène. On venait de faire les vendanges à Champillon, près de Reims. Qui est la plus Reims est la plus vieille ville de Paris. Vous ne saviez pas? Je vous l'apprends. Si vous le saviez, ben, j'apprends rien. Ensuite, M. Tréau qui nous a amené là-bas pour, je veux dire, à Champillon, pas à Amsterdam, pour faire les vendanges, ben, on a été... accueillis comme des rois. On a mangé comme des rois. Chez nous, on a mangé comme des cochons. C'était pas de baisse, c'était bon. Hey, j'ai mangé du sanglier, moi. Avez-vous déjà mangé du sanglier? Le sanglier, et là, c'est pas un gag, là. Le sanglier avait été placé dans du vin pendant 2 mois. L'épaule de sanglier. Hey, j'ai mangé de la langue de porc. Je veux pas dire, j'ai pas aimé la texture. Donc, j'en ai pas mangé beaucoup. Mais sinon, tout ce qui. Hey, puis chez nous, avant de partir, là, je mangeais du spaghetti. J'ai continué à manger du spaghetti, mais mon horizon culinaire s'arrêtait à ça. Mais quand je suis parti là-bas, c'était incroyable. On a été, à un moment donné, à Dublin, on a été dans des. Dans des tavernes, et il y a des... vous savez, le ragoût, là... le ragoût de là-bas, bon... vous savez que je patauge. Je suis dans patauge. J'aime ça, la pataugeuse. Ah, mon Dieu! T'es assis, tu te fais à la patte. T'sais, l'autre patte. Puis là, ça t'inspire d'écrire des mots, des textes, même d'écrire... écrivez-vous de la peinture, vous, M. Tremblay? Non. Mais moi, je peins mon univers, je peins ma réalité, je peins mon quotidien, je romps le pain et je le bénis en disant « Ceci est ma peinture livrée pour moi-même et surtout pour les autres, je l'espère, mais sans croire que ça peut toucher la population en général. Mais si un cœur s'arrête et me dit « Ah, j'aime bien ce que vous faites », ben ça me touche. C'est la même chose pour une émission, monsieur. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur le créateur du ciel et de l'univers. Pas vraiment, mais ça peut le devenir. Ah, comment ça peut le devenir? Avec le temps, avec les occasions, avec la structure que l'on s'offre de la création. Ah bon. Bon. On parlait de quoi, là? Ben, faites-vous-en pas. On parlait de Johnny Cash. C'est bon, Johnny Cash. C'est comme du bonbon. Et du bonbon qui nous rend si bon. Have you ever been to Little Rock? Have you ever been to Little Rock? Those Arkansas women, born with beauty and grace. Up in the Ozark Mountains, the one they call Bettie Jean, you can see God's country put a smile on your face. It's the land of my family, down in Cleveland County. It's where my mama and daddy were born, where the singing pines grow. They got some hot spring water down in the Washita country. Wash away your misery, you feel like Henry Ford. Right off the scenic highway, shake the hand of a farmer. Have a cool watermelon, it weighs 100 pounds. And in the Mississippi Delta land, they're growing rice and cotton. In the fields all week long, Saturday night in town. just love my people, and I'm proud of my raisin. Sweet Arkansas memories until they lead me down. Have you ever been to Little Rock? Have you ever been to Little Rock? Those Arkansas women, born with beauty and grace. Il me semble qu'on serait dû pour une autre, hein? Comment ça? Ben, parce que ça vaut la peine, écoutez bien! I met her at the laundry. C'est bien parce que cette chanson-là, ça promet de, t'sais, d'être un peu pimentée. Juste la musique, là, ça amène le Johnny Cash à nous... À nous titiller. J'adore ça. Vas-y. Titille Johnny. I met her at the laundromat. She was washing extra hot. Extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take. And then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor. She said, just keep it on medium hot. I said, I've done this before. Then I opened up the dryer, and I set it on soft and light. She said, be gentle with my silk and lace, and I said, well, all right. Well, all right. Her clothes were in the basket, folded down so nice and warm. She headed for the door and I said, I will take you home. She said, I just live up the street. I said, it's a dangerous night. Take my arm and I'll carry the basket. And she said, well, all right, well, all right. The world's half full of women and the world's half full of men. And sometimes one or the other opens up to let one in. But the one I met at the laundromat that dangerous, beautiful night said, yes, I do, and yes, I will. And I said, well, all right, well, all right. Raymond Beaudoin, c'est original Wagler. Oui. Oui, mais c'est ça. Tu m'as demandé de chercher tes clés, tu les avais perdues. Je suis allé à la supérette, au dépanneur. Supérette, dépanneur, c'est la même chose, mais c'est en français. L'autre, ça voit que c'est une langue. Hein, c'est supérette. En tout cas, je suis allé chercher. Tu m'avais dit que tu les avais perdues là, hein, ma belle chérie. Je les ai pas trouvées. Je sais que je rentre sans voir ce que tu m'avais demandé, mais attention. Je sais même pas si je les ai. Alors là, je me suis informé, j'ai fait comme un journaliste. Tu vois, je suis comme le ballon. Hein? Non, j'ai pas dit que je suis un ballon. Je fuis comme le ballon. En tout cas, on peut dire une blague aussi horrible que, tu sais, Rénal Gagné, celui que t'adores, ben oui, c'est tes membres, je sais bien. Et il dit, hein, je suis comme le ballon, je suis crevé. Mais moi, je dis, je fuis. Alors, mais je n'ai pas fui, attends un peu. J'ai fui la patente. Parce que la patente, c'est... Oui, c'est un personnage, c'est un micro, ben oui, mais... Oui, parce que je veux pas être électrocuté, parce qu'il y en a un qui est mort là-dedans, lui, il s'est rasé dans le bain, là, c'est celui qui est le pédophile, là, qui aimait bien les enfants, là. Ouais, en France, là, coupe balai. Le téléphone, du pays, ça pleure, ah, ça pleure. Il paraît qu'il pleurait avec le téléphone, puis la petite fille qui pleure, ah, mon, il dit, je vais te prendre en photo, ma jolie, ben, hey, elle dit, à l'âge que j'ai, t'as pas d'âge, il y a pas d'âge pour prendre des belles photos, ah, mon, tu sais, et puis, dans quoi, mais j'ai fait ma recherche, pas sur lui, mais sur tes clés que t'as perdues. Même, puis là, tu m'avais dit aussi c'était pour ton immeuble, hein? T'as mis, ouais, ben, tu viens de déménager, puis ils t'ont donné un petit casier, t'as mis tes petites choses de valeur, puis cette valeur, t'avais perdu à la clé, dans la supérette, ou l'épicerie, ou le dépanneur, mais moi, j'ai fait mon enquête. Et puis, je me suis rendu compte que c'était peut-être impossible. Non, faut que je te pas me dire pourquoi. Parce qu'on a cherché partout, dans la poubelle. T'as déposé des canettes, hein? Comment ça on appelle ça, donc? Le déboucheur de nom? C'est que. La gobeuse. On a vérifié la gobeuse. On a ouvert la gobeuse. Elle voulait pas rien nous dire, hein? Elle faisait juste gober. C'était comme un politicien. Il gobait. Mais là, j'ai rien à gober, moi. J'ai juste à vous dire, avez-vous trouvé des clés? Puis là, il y a un gentil épicier qui m'a dit, « Ben écoute, vous parlez à une machine, mon cher monsieur, vous êtes... » Non, mais écoute, on parle à ce qu'on peut bien parler, hein? Moi, je parle à ma femme depuis 30 ans, puis je pense bien que la discussion est plus intéressante avec la gobeuse. Là, l'épicier m'a regardé, m'a dit, « Est-ce que votre femme dit la même chose de vous? » Mais là, je sais, monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur, Renald Gagné. « Ah, mon Dieu, vous avez gagné quoi? » Vous avez gagné quoi? Je pense que la première fois qu'il l'a. Non, pas la première fois, il me regardait avec des yeux. Monsieur, vous cherchez des clés. Mais c'est pas à moi, c'est même pas à mon épouse. C'est à une dame qui m'a dit j'ai perdu, mais dans la supérette, l'épicerie de Palo. On la connaît, l'affaire, là. Mais vous cherchez quoi? Des clés. Bon. Elle a marché où? Ben, elle a marché sur votre plancher. Ben, c'est bien, hein? Sinon, tu marches où? Si tu marches pas sur le plancher. Hé, là, j'étais bouché, là. Il me posait des mots, dites pas de questions. Je dis, vous êtes journaliste? Il me répond, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai pas tous les défauts. Hey, j'ai pas tous les défauts. Oh, c'est un humoriste. Vous devriez faire une émission à radio. Il dit, j'en fais une. Hein? Vous faites une émission à radio? Laquelle? Errance canadienne. Comment? Errance canadienne? Hey, lâchez-moi le Canada. Errance rénaldienne. Hey, fâchez-vous pas, vous m'appelez la police. Mes personnages me disent ça tout le temps. Vous avez des personnages? Écoutez, monsieur, vous cherchez des clés? Oui, oui, mais Errance rénaldienne, c'est où ça? À CKRL. Comment? CKRL. C'est quoi CKRL? Monsieur, c'est pas votre. Si vous me demandez c'est quoi, c'est pas votre radio, là. Non, mais c'est quoi, CKRL? Mais c'est une radio communautaire, la première radio communautaire francophone au monde. Mais voyons donc, vous! Ça fait combien de temps que vous faites ça, cette émission-là? 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis pas connu. C'est pas gentil de dire ça. C'est pas parce qu'on vous connaît pas, on connaît pas cette radio-là. Ben voyons donc, c'est CKRL. Mais non, j'ai jamais connu ça, moi, c'est CKRL. Vous avez quel âge, monsieur? Ah, oh, quelle indiscrétion, jeune homme! Non, mais quel âge vous avez? 92 ans! Bon, puis 92 ans, Errance rénaldienne n'existait pas d'un. C'est CKRL non plus, il est né en 1974. Ah bon! J'étais pas à Québec, là. J'étais à mon travail. Bon. Et puis? Avez-vous trouvé les clés? Ben oui, je les ai trouvées. Ah mon Dieu, vous êtes bien gentil! Ben voyons donc, Errance rénaldienne est une émission aussi humaniste. Ah mon Dieu, humaniste. Humaniste de qui? Non, humaniste. Humaniste. Ah ben, en tout cas, vous direz aux humanistes que c'est bravo, hein? Et vous passez à quelle heure? Ouais, je pense pas que c'est votre heure. Comment ça, vous dites ça? Dites-moi votre heure, moi, regardez ça. C'est le dimanche. Ouais, le dimanche, je suis là, à minuit. À minuit. Sinon, vous pouvez... Avez-vous un ordinateur? Non, mais mes petits-enfants en ont. Bon, mais vous pouvez... Et pendant 20 ans, j'ai téléchargé... Mes émissions sont sur Internet, OK? Je ne sais pas téléchargé, mais ils sont sur Internet. Vous pouvez les télécharger. Ah, mon 20 ans d'errance rénaldienne! Avec vous, Renald Clocher? Ah, ça me ferait plaisir. Mais c'est pas Clocher, mais c'est pas grave. Je resterai en haut. Ah, mon doux comme un clocher! She had a heart full of love for her baby, for life, and James Taylor. She nursed her baby and she closed her eyes. She was a cowgirl, truck driver, and sailor. In her mind, she wasn't abandoned, though the baby was all that she had. She was lonely at night when the babe was asleep, but when singing, it wasn't so bad. And she sang Sweet Baby James, and she flew o'er the turnpikes, the mountain and sea, and she looked to the skies where heaven should be. Said, could it be there's no heaven for me? The only difference in my life and hell are the flames. So she sang Sweet Baby Jane. She had to work for a living, and her mom kept the babe every day. The drive-in paid minimum wages to all, and with so little carry-on pay. But she'd take her own flights of fancy each time she found herself alone. She'd get on her dream song and she'd sail away with her baby to find that new home. And she sang Sweet Baby James, and she flew o'er the turnpikes, the mountains and sea, and she looked to the skies where heaven should be. Said, could it be there's no heaven for me? The only difference in my life and hell are the flames. So she sang Sweet Baby James. The only difference in my life and hell are the flames. So she sang Sweet Baby James. Where they handed off tobacco in the big tobacco barn, and the long straight rows it ran from the house down to the road that went to A.P. Carter's store down the logging truck she rode. Oh, she'd sit and she'd gaze at the foggy mountaintop where the swift talk circled round the clinched mountain rocks. At the school down in Hilton's, she'd read about the world created to be conquered by this poor valley girl. Her mother was an Addington from over Copper Creek. Her father was of sturdy stock, she was royal but meek. Her laughter was infectious, her music was pure joy. She'd win the hearts of many men, as she had many a boy. Her mother became famous, Maybelle and her guitar, with sisters Helen and Anita. The family was four-star. She gave the world two daughters and a son with auburn curls. And I thank God that he gave me the sweet poor valley girl. Oh, she'd sit and she'd gaze at the foggy mountaintop, where the swift hawks circled round the Clinch Mountain rocks. At the school down in Hilton's, she'd read about the world created to be conquered by this poor valley girl. So you gave up all between us for a glamorous career, and with all your talent you should be the big star of the year. Then you'll be public property, so I release my claim to you. Go on and give them all you've got, sing it pretty soon. But I can't take just part of you and give the world a half. So smile for all the papers and give them autographs. Go on to every city so your public can see you. But I'll watch on television, so sing it pretty soon. I hope you'll soon be on the top of every hit parade, and I'll try to be excited about the progress that you've made. I'll collect your pictures like any fan would do, and I'll buy all your records, so sing it pretty soon. But I won't ever tell a soul that we have ever met. I will just be one of millions who'll give the praise you get. And maybe every year or so I'll drop a card to you to tell you I'm still listening, so sing it pretty soon. Aujourd'hui, je rencontre l'auteur, compositeur, interprète, un ami de Georges Moustaki, Éric Vincent, qui a fait sa tournée d'adieu en 2024, en été 2024. Donc, à toi, l'artiste, Éric Vincent. Seul sur cette route qui mène où tu ne sais pas, va sans te plaindre et sans jamais te tourner. Arrête-toi juste un instant pour te reposer. Quand le soleil sera couché, si j'avais su écouter quelquefois, si j'avais fermé ma gueule et ouvert mes bras, si j'avais réchauffé un peu mon cœur, je ne serais pas si seul ce soir. Cette route qui mène où tu ne sais pas, va sans te plaindre et sans jamais te retourner. Arrête-toi juste instant pour te reposer. Quand le soleil sera couché. T'as vécu plein d'aventures. Ouais. Quelle expérience. Oui, ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est... Quelle expérience. As-tu déjà chanté en prison pour des prisonniers? Non, je n'ai jamais chanté en prison. Et il y a deux choses. J'ai chanté pour dans des hôpitaux psychiatriques. Où ça? Aux États-Unis? Non, non, en France. OK. Mais les prisons, j'aurais peut-être... Oui, mon copain Jacques Ivard, il a chanté beaucoup en prison. Je l'aurais fait, hein, mais on ne me l'a pas proposé. Mais ça peut J'aurais fait volontiers. OK. Mais je me demande... les hôpitaux psychiatriques, j'ai mal vécu ça. Vas-y. Mal vécu ça, tu... Et c'était des cas lourds, là. C'est lourd, ouais. T'es pas en... Que la musique apaise les mœurs, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens étaient... Non, j'ai... T'as un mauvais souvenir. J'ai pas un souvenir de... C'est pas des grands souvenirs, quoi. Et quand tu sors de là, t'es... Ah oui, ça te bouleverse. Ouais. Oui, c'est bouleversant. Ouais. Oui, surtout que j'avais un pote, moi, qui était un bon ami, qui était devenu schizophrène et qui était soigné déjà. Et je me souviens, après une de ses expériences, c'était à l'hôpital psychiatrique d'Alençon, dans l'Orne. Et on était invités à dîner, il y avait des médecins qui étaient avec nous après le concert. Et je parlais avec je leur parlais du cas de mon copain, quoi. Et parce que bon, le copain, tu vois, il est normal. Tu pars à Madagascar en tournée, tu reviens un mois et demi après, il est interné, quoi. Bon, il a eu, enfin, je ne vais pas rentrer dans son histoire, mais interné on te shoot, on t'envoie plein de. On te met un mec. Et les médecins, là, ce jour-là, m'ont dit. Moi, je reprochais, je disais, le shoot. Il convenait que le fait de shooter ne te soignait pas. Ça protégeait la société d'un danger éventuel de violence. Et ce que j'ai retenu ce jour-là, on a peut-être évolué là-dedans. Hein, mais, ça fait combien d'années, 20 ans? Ça fait. 50 ans. Ok. Oh, ok. Mais, ça a évolué. Mais ça a sûrement évolué. Mais il me disait, il faudrait un médecin par patient. Ouais. On n'a pas les moyens de soigner la schizophrénie. Alors on les pique. Bon, aujourd'hui ça a changé. La médication, s'ils les prennent, sont vraiment contrôlés. C'est quand ils les prennent plus que ça commence à dégénérer. Mais mon copain, il est mort maintenant. Mais il est mort il n'y a pas si longtemps. Okay. Il avait. Mais. Mais c'est compliqué, hein, quand tu as un rapport qui n'est plus un rapport sur un plan. Oui, je peux employer le mot d'égalité, il n'est peut-être pas droit, mais où. C'est peut-être une impression d'être dans la normale, tu vois, qui était quand même le point de rencontre de notre amitié, ouais. Et que tout à coup, tu as. Et lui-même un jour, tu vois, un jour je le revois un jour. Il vient me voir, on passe un moment ensemble et il repart. On était en Mayenne, c'est un mec d'origine de la même ville que moi. Et il pouvait conduire sa voiture, c'était après avoir été interné à plusieurs reprises, tu vois. Mais la voiture, c'était une 4L, Renault, je ne sais pas si tu te souviens de ces voitures. Ben oui. Mais à laquelle on avait enlevé le siège passager, il pouvait emmener personne. Okay. Oh oui. Et tu vois, c'est fou ça. Et il commence à faire, je sais plus quelle manip, il met la clé de contact, je sais plus quoi, mais il fait une connerie. Et il s'est mis à taper sur le volant, j'étais à côté de lui, et dire mais je suis incapable, je suis plus, tu vois, avec cette autocritique, je ne peux plus rien faire, je ne suis plus, tu vois. Sinon, Babax, calme-toi. C'est terrible. Tu vois. Et j'ai eu, alors, bien sûr, tu vois, je lui rendais visite tout au long de sa vie, on se voyait. Mais je lui rendais visite comme un malade, tu vois. C'est insupportable. Non, c'est insupportable quand tu as eu on était comme les deux doigts de la main, on était des frères, tu vois ce que je veux te dire. La communication n'était plus là. Et toi, tu étais là comme un bon frère, un ami. Non, mais toi-même, ça t'entame, tu sens que t'as pas la réaction, t'as pas l'attitude, le lien t'as pas plus. La même attitude non, qu'avant, c'est ça. Et c'est insupportable ouais. ça, tu ouais. vois, c'est insupportable. C'est vrai, ça. C'est vrai. Il y a comme un décalage. Ouais. Si tu étais un liquide... Ah oui, un celui chinois maintenant! Celui que j'ai dans mon verre, ah, mais le chinois, c'est quand même pas mal, hein! Tu vois, moi, je déguste la dernière goutte. Mais est-ce que tu connaissais... Parce que je voyais venir la question. Oui, mais est-ce que tu connaissais le chinois? Bien sûr. Okay. Et tu n'en avais jamais pris? Les vins de Loire, si. Okay. J'aime bien le Saumur Champigny, j'aime bien le Chinon, j'aime bien... Chez toi, as-tu une belle cape de vin, à vin? Ah oui, oui. Ah oui? Bien garnie? Oui, je suis un amateur de vin. Ouais. Alors le soir, tu sais quelle prendre? Il y en a une qui fait des clins d'œil? J'en ai une dans la maison qu'on a, et puis sur le bateau, j'avais installé une cave sous le niveau de l'eau. Okay. C'est pas parfait, mais ça maintient une température un petit peu plus... avec un peu moins d'écart. Est-ce que les vins sont encore là? Les vins sont encore là, oui. Okay. Pas tous. C'est ça, il y en a vidé quelques-unes. Ouais. Tu l'as siphonné quelques-unes. Et, ah, j'en ai... ouais, c'est ça. Est-ce que tu restes beaucoup plus présent à l'endroit où tu habites à Paris ou si tu vas plus tôt dans ta campagne? Je sais que... On a vécu 33 ans sur ce bateau, sur cette péniche à la Bastille. C'était extraordinaire, c'est une qualité de vie. Et vous êtes plus là, là. Bon, là, on tourne cette page. Je ne sais pas si je vais regretter, mais c'est sûr qu'il y aura peut-être de la nostalgie, que ce sera de temps en temps, j'en sais rien. Mais bon, c'est autre chose. Avant la péniche, on habitait dans un endroit très sympa, Vincennes. J'ai plus jamais regretté après, tu vois. Bon, là, ça va être autre chose. Et... Mais là, après notre rencontre, où tu vas, là, ici à Paris, ou si tu t'en vas dans ton... Là, je suis à Paris encore. Okay, encore okay. À Paris, oui. Alors, tu restes encore si tu as l'occasion, tu restes combien de temps, là? Ah, je m'en vais dimanche. Bah, si tu as envie de venir prendre un verre un jour avant ton départ, tu viens, hein? Je vais essayer. Hein? Oui. Vraiment? Oui, oh oui. Je t'en parlerai sur Internet. Oui, tu viens. Et tu es à la même place que d'habitude? À la même place que d'habitude? Ok. Voilà, je te donnerai le... À côté de Moustaki. Pas bien loin, pas bien loin, oui. Si tu étais une ville? Ça, c'est une question compliquée. Ben oui, parce que tu as voyagé, tu as vu le monde. Hein? Oui, ouais, j'ai envie de... Ouais. Ça dépend des moments, on peut répondre, voilà. Mais là, aujourd'hui, mais ça peut être... Ah, ce jeudi. J'en sais rien. Okay. J'en sais rien. Une ville, j'en sais rien. Est-ce que... C'est compliqué à... Ouais. Parce que des villes qui m'ont touché, il y a eu Rio, il y a eu Sydney, il y a eu... L'île Maurice, les villes de l'île Maurice, il y a eu Kinshasa, Zaïre à l'époque, il y a des villes que... Mais j'ai envie de te dire que je crois... Non, c'est vrai qu'il y a des situations qui ont des... Il y a des sites qui sont attractifs, qui sont charmants. Mais l'attrait pour une ville, pour un pays... c'est quand même toujours lié à l'être humain qui s'y trouve et qui, avec qui j'ai enclenché un lien d'amitié ou de fraternité, de camaraderie. Ouais. C'est un lien humaniste avec la ville et avec les gens. Mais c'est les gens qui font pour moi la qualité du lieu où je me trouve. Mais ça pourrait être... Ouais, tu vois, il y a tellement de souvenirs, enfin, voilà, ben ouais. On cloisonnera pas en mentionnant une. Non. Alors voilà, tout ce que tu as visité en général, tous les pays que tu as visités, t'as laissé un petit grain de cœur à chaque endroit. Oui, plus ou moins, mais l'Indonésie m'a beaucoup marqué en Asie aussi, mais il y a plein d'autres endroits, ouais. Si tu étais une langue? Une langue, ben, oh, si j'étais une langue, je suis français, hein, au niveau de la langue. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de communiquer et j'aime bien baragouiner dans les langues. Je fais des fautes, hein. C'est d'ailleurs le conseil que je donne aux étudiants américains quand je leur dis n'ayez pas peur, votre prof va peut-être pas être d'accord, mais n'ayez pas peur de faire des fautes. L'important c'est de se faire comprendre et puis après soyez exigeant, bien sûr, essayez d'améliorer. Mais voilà, l'important c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Buena, buena, bois, de la cachaça. Buena, bois, du noir au Botswana. Buena, buena, bois, il a du tracas. Et sa nana croit que c'est du kawa. Elle suce une noix, si qu'on est bien là. À sucer des noix au Botswana. Buena, en tout cas, suce pas de la cola. Dans son beau hamac au Botswana. Oh, buena, si bon pour moi. Casse-toi du Botswana au fond du bois. Y'a le boa et le mamba dans l'acacia. La malaria, le choléra, etc. Buena est tabou, tabou dire tabou. C'est dur d'être roux chez les Zoulous. Anna la doudou quand il met les bouts. Lui fait les yeux doux à son bois nouant. Elle lui fait tout, cuisine au sein d'eau. Le kamasutre au vieux grigou. Buena a des soucis dans son burnou. Il a tous les sous du Botswana. Oh, Buena, si bon pour nous. Casse-toi du Botswana. Au fond du bois, il y a le boa et le mamba dans l'acacia. La malaria, le choléra, etc. Solo! Buena aux abois, a très mal au foie. Quel drôle de climat, le Botswana. A les aléas de la bamboula. Les amis qui sont là, foie de Buena. Oh, Buena aboie. C'est les scélérats qui m'ont poussé là dans le tafia. Et Buena s'en va laissant un smala là sur le dos d'Anna au Botswana. Oh, Buena, si bon pour moi. On pourrait plus passer de toi au Botswana. Y'a le boa et le mamba dans l'acacia. La malaria, le choléra, etc. Et encore une fois avec moi les petits enfants. Oh, Buena, si bon pour moi. On pourrait plus passer de toi au Botswana. Y'a le boa et le mamba dans l'acacia. La malaria, le choléra, etc. Et encore une dernière fois. Buena, si bon pour moi. On danse, danse, c'est ça. On en a parlé, là. Oui, fraternité. Fraternité. Dit, si tu étais un aliment. Un aliment. Eh bien, un aliment. J'ai envie de te dire le saumon, parce que mon épouse fait un tartare de saumon tellement excellent. Oh, ok, alors donc, c'est le ça pot, et puis on va... Bon, c'est bien de prendre pitié des saumons qui subissent quelques... Qu'ils ont frayé, qu'elles ont... Hein, le saumon... Les saumons ne sont pas toujours très bons aujourd'hui. Non. Hein, donc, il faut qu'ils aient vécu leur vie de saumon. Non, mais ils n'ont pas avoir été élevés en serre et laissés comme tous les animaux manger. Donc tu vois, il y a deux raisons. Oui, c'est comme le poulet qui... Faut qu'il galope. Oui, c'est ça, ou les poulets en cage, il y a une différence. Là. Si tu étais une saison... Ah, ben une saison pour moi, c'est le printemps, parce que le printemps, c'est quand même l'espoir, quoi. Hein. J'en suis à l'automne. Ah, ouais. Est-ce que ça te chagrine de voir... Tu connais la chanson de Nougaro? Oui. Est-ce que tu es serein lorsque tu penses à ta fin ou à la fin de ta copine, de ton amoureuse, à la fin de chaque vie que tu as côtoyée avec des amis? La fin des amis, c'est toujours, c'est souvent une... c'est souvent une amputation, une branche qu'on coupe. Hein, j'ai bien sûr que j'aime bien l'air que je respire, hein, c'est clair, quel que soit son degré de pollution. Et le vin que l'on boit. et le vin qu'on boit, alors ça c'est clair, moi je suis épicurien, c'est ce que tu veux. Et puis tout, mais bon, j'ai vraiment le sentiment d'avoir, je pense que l'important c'est de la plénitude, j'ai un sentiment de plénitude moi de ma vie jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que ça dure encore. Que ça dure, mais j'espère c'est la patate, parce que dès que tu commences à péricliner, ça c'est c'est pas bien, c'est pénible de voir des amis qui sont diminués. Mais c'est dur pour toi, puis c'est dur pour les autres aussi. Ouais. Si tu étais une saison... Printemps, je te l'ai dit. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Si tu étais un membre corporel... Un membre corporel? C'est celui-là. Oui, c'est ça. Alors, ta chanson sur le Viagra ou sur le fait d'impuissance, que tu as fait tout le temps, est-ce que tu l'as fait encore? Je l'ai fait... je sais pas encore si... Oui, je ne sais pas encore si je vais la faire. Je ne sais pas. Okay. Mais est-ce que... Parce qu'à Québec, à chaque fois que je la fais jouer, j'ai des courriels, donc des fois, pour voir s'il y a de la vie... C'est bien. Mais étais-tu conscient, lorsque tu l'as écrite, que ça allait donner ça? Tu sais, je vais un peu me répéter, là. Je pense que quand tu écris... Enfin, moi, je réfléchis pas à l'impact que va avoir la chanson. La chanson est faite, et là, tu te dis... Tu vois, là, je suis en train de... Je chante tous les jours, je me remets, ça fait partie de ma remise en forme. Et putain, ça c'est une bonne chanson. Tu constates après. Ouais, c'est ça. Avec le recul. Et comme tu constates, quand tu viens d'écrire une chanson, tu l'essayes quand même. Hein. Tu as des idées. Mais quand on faisait les cabarets, la nouvelle chanson, on attendait avec impatience. Tu vois. Ouais. On venait d'écrire une chanson, hop, le soir même, ma chanson sur Yves Maurice, ça c'était étonnant. Parce que. Je t'en ai parlé tout à l'heure, de la façon dont elle est venue, ou qu'elle m'est arrivée. C'est une chanson, comme tu pourras le vérifier sur le disque, qui fait près de 6 minutes. Ce qui est très long dans le format d'une chanson. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas pour cet encadrement de format que le showbiz nous a fait, mais c'est quand même vrai que la tension, c'est une réalité quand même. Donc une chanson longue. Et je t'assure, quand j'ai chanté au Port du Salut, qui était le cabaret où je me produisais, le soir même, après l'avoir écrit, enfin pas le soir même, puisque j'étais en Mayenne, mais dès que je suis rentré à Paris, je fais le port du salut, toujours. Tu attends avec impatience d'avoir fini ta chanson pour savoir comment le public va réagir. La réception. Et ça a été étonnant. La magie s'est produite. Et là, ça c'est la confirmation, tu vois. Du travail. Voilà. Tu te dis, c'est bon. Mais bon, quelquefois, tu peux anticiper. Là, il y avait une inquiétude. Mais il y a des chansons où tu te dis, oh, ben, ça, ça devrait fonctionner. Mais je ne calcule pas quand j'écris la chanson. Je ne fais pas des choses pour être efficace. Oui. Et je crois que c'est une mauvaise façon de faire. Oui. Peut-être qu'il y en a qui font et qui le font très bien, sûrement. Il y en a qui font et qui font très bien. Oui. Ils sont célèbres. Non, mais voilà. Oui. Dans l'absolu, je pense que c'est mieux de faire les choses comme ça, laisser arriver voir. Et puis ensuite, tu te choisir à quel moment tu vas les faire. Pour un brin d'herbe, pour une goutte d'eau, pour un rayon de soleil, un oiseau, pour une pierre au dessin mystérieux, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre très vieux, pour un regard de haine, un coup de pied, l'amour comme une cabane effondrée, pour la douleur ou la mort d'un enfant, j'ai envie de mourir souvent. Pour un espoir toujours renouvelé, pour la joie d'un silence retrouvé, pour cet amour qui brille dans tes yeux, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre très vieux, pour cette machine à provoquer la mort, pour ce vagabond qui est le plus fort, pour la maladie qui montre les dents. J'ai envie de mourir souvent. Chercher ailleurs, et pour le pire qui s'oublie dans le meilleur, pour une histoire au verbe merveilleux, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre très vieux, pour cet ennui qui vient troubler la fête, pour la folie qui ronge nos têtes, pour ces angoisses qui rendent méchants, j'ai envie de mourir souvent. Et pour ces gens que je ne connais pas, ces rires dont on ne se lasse pas, pour l'eau, le vent, la terre et le feu, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre très vieux. Parce que on n'est pas apte. Moi, je suis pas apte à écouter la même chose à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a des moments où tu es disponible pour écouter telle chose et tu vois. Et donc tu fais ton choix à partir de cela. De la direction que tu vas lui donner à la chanson, de la vie que tu vas lui donner, par rapport à des choses que tu connais, là c'est le métier. Mais tu ne prévois pas avant, en écrivant, tu ne prévois pas l'efficacité de ton truc. Et moi j'ai trouvé aberrant, j'ai regardé un documentaire sur Brel, et il y avait une voix qui narrait un peu l'histoire de Brel. Et avant de voir la chanson classique qu'il a fait une seule fois sur scène, Amsterdam, ils ont dit que pour une des rares fois, un chanteur il écrivait une chanson, il la faisait sur scène. Mais c'est pas vrai, parce que beaucoup de chanteurs essayent leurs chansons sur scène avant de les antiquer. Bien sûr, oui. Et on avait amené l'idée que c'était très rare, mais c'est pas vrai. Moi, j'étais offusqué de cette tromperie, parce que les gens vont s'imaginer que Amsterdam de Brel, c'est comme si c'était le seul chanteur, auteur, compositeur, interprète, qui lançait une chanson pour la première fois sur scène avant de l'antiquer. Mais il l'a jamais antiqué, mais ça a été... Brel, c'était extraordinaire. Ouais. J'ai eu au téléphone hier, Madly m'a appelé, Madly, la compagne, dernière compagne de Jacques Brel, ouais, qui est une de mes... Est-ce qu'elle est encore aux îles Marquises? Non, elle est en Bretagne. Okay. C'est une de mes vieilles amies. Hein. Ouais. Non, elle a quitté les Marquises il y a un certain nombre d'années. Okay. Oui. Mais elle avait une maison dans le sud de la France qu'elle vient de vendre. Elle est en Bretagne. Elle va acheter une maison à... On sera pas très loin l'un de l'autre. Ah, on est des vieux amis. Okay. Mais Brel, moi, ça a été le choc de ma vie, hein, Brel. Ça a été le choc de ma vie. J'avais... Ouais. C'est le seul chanteur qui m'a donné... qui m'a enlevé mon envie de devenir chanteur. Pourquoi? La puissance. Je sais pas si je t'ai raconté cette anecdote. Peut-être que je te l'ai raconté. J'étais en province à l'époque, dans Mayenne, toujours le département où je vais retourner. Et j'avais gagné, je faisais des radios crochets. Ah oui. Je t'avais raconté l'histoire. Vas-y. Voilà, donc j'avais gagné ce radio crochet et la récompense, c'était de chanter avec Jacques Brel au casino de Quiberon. Sauf que je pensais que j'allais chanter avant Jacques Brel. Mais bon, le spectacle était conçu comme ça. Brel se produisait dans ce casino, il se produisait très régulièrement chaque année. Une petite salle de 350 places, tout le monde entassé. Moi, le directeur du casino, me met au premier rang, enfin pas au premier rang, assis par terre, juste au pied de la scène, puisque tout était plein à craquer. Et Brel arrive sur scène. J'étais bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, comme portier madame. Il craque. Et je prends dans la gueule ce mec là qui... Et c'est un événement unique que je n'ai jamais retrouvé depuis. Extraordinaire. Et à la fin, je suis liquéfié, vidé de toute mon énergie. Et vraiment avec un désespoir en me disant, j'avais 16 ans, hein, et je me dis, mais 17 ans, 18 ans, peut-être 18 ans, je sais pas, peut-être 18 ans. Oui, parce qu'à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. Comme aux États-Unis. Et je suis arrivé à Paris 3 ans. Oui. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais venir foutre dans ce métier? Le gars, là, il a pris toute la place. Ouais. Il n'y a plus de place. Enfin, j'essaie de t'expliquer ça avec des mots, mais c'est un ressenti. C'est ça traduit. Il fallait être là, ouais. Et puis la salle se vide, il reste 50 personnes qui dansent au son de l'orchestre qui fait danser après. Et puis le directeur du casino vient me dire, il faut que tu ailles chanter maintenant, tu vas aller chanter. Et j'avais prévu initialement 3 chansons pour cette prestation que je pensais faire avant Jacques Brel. Dans le silence déployé, cette nuit qui s'évapore. Et puis en effleurant la toile, blanche et nacrée, peindre ta peau, tandis que l'aube étend son voile au point du jour sur mon tableau. Tracer l'esquisse de ta bouche, caresser par le jour naissant, et laisser l'œuvre sans retouche prendre ta vie pour un instant. Alors enfin peindre ton cœur comme un rubis tendre et fragile, et sur l'écrin de ton bonheur poser mes lèvres immobiles. Et donc je me pointe sur scène. Jacques Brel était avec ses musiciens, ouais, à la gauche, sous le balcon du casino, à la gauche, à une table, il buvait des coups. Et je commence à chanter avec l'œil. Oui, l'œil, oui, oui, ben oui, braqué sur la gauche. Ben là, oui. Et je commence à chanter et je vois Jacques Brel se lever et traverser la salle vers le fond de la salle. J'étais déjà craqué, désespéré. Et tout. Alors là, fini, terminé. Là, j'étais mort de chez mort. Ouais. Et je chante mes deux autres chansons dans le désespoir le plus profond. Et puis je rentre dans la petite loge derrière. Et là, il y a le père Gauthier, le directeur du casino, qui arrive, qui dit « Bravo Eric, bravo !» Moi, j'étais toujours déprimé, tu vois, au possible. Il me dit « Il y a Jacques Brel qui t'invite à prendre un verre !» Je lui dis « Mais Jacques Brel, il est parti !» Oui. Tu connais l'histoire ? Ouais, vas-y, c'est il bon. Est parti. Je connais le gars. Il est parti. Il me dit « Mais non, il a beaucoup aimé ce que tu as fait !» Mais je dis « Mais je l'ai vu !» Il dit « Non, il est monté au balcon en face pour mieux t'écouter !» Ça, exactement. Alors, tu vois, je m'en voulais encore plus parce que j'avais le sentiment d'avoir perdu mes moyens. Ouais, d'avoir pas donné tout en vrai. Et j'ai rencontré Jacques Brel, on a passé une heure ensemble, il m'a offert une bière, enfin bref, ouais. Il m'a encouragé. Bon. Bref, mais c'est voilà. Mais tu vois, cette impression-là que j'ai jamais eue avec les chanteurs que j'ai beaucoup aimés, les autres m'ont tous encouragé. Mais comme Becco, j'ai tourné beaucoup, ouais. Il m'a... Et il me donnait envie de tu vois. J'avais le sentiment que je pouvais atteindre ce sommet-là. Brel, j'avais le sentiment que je ne pouvais pas l'atteindre. Est-ce que c'est parce que... Et je crois que je ne l'ai pas atteint. Tu vois. Brel, c'était... Dans ton répertoire, est-ce qu'il y a une chanson brélienne qui... Non, parce que j'ai surtout pas essayé de donner... De faire du Brel. Et tu vois, alors, j'ai peut-être tort, parce que tout ça, c'est très subjectif quand même. Parce que tu vois, je suis copain avec son neveu, avec Bruno. Tu connais Bruno Brel? Oui, oui. Bruno, je connais par... Il a du talent, Bruno. Ouais. Il a du talent. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais je peux pas. Mais il chante. Okay. Il chante comme son oncle. Ouais. Et bon, il a du talent. Et les gens l'aiment beaucoup. Moi, est-ce qu'il reprend du Brel? Non, mais okay. Ses chansons, c'est à la façon de... Okay, et ouais, moi, pour moi, c'est assez insupportable. Ouais, ouais. Alors bon, ça l'est moins parce qu'il a du talent, il écrit, il y a quand même des choses. Mais je ne supporte pas, je suis désolé, j'aime pas critiquer les confrères, mais je ne supporte pas quand... On est mieux. Ah, je vais me laisser aller quand Florent Pagny chante du Brel, je ne supporte pas ça, tu comprends. Ben, Serge Lama chantait Brel. Il a chanté Brel, Lama? Ben oui, il a fait un album Brel en 72. Oui, il adorait Brel. Oui. Mais alors, Lama chante Brel. Alors tu vois, je ne connais pas cet album. Okay. Mais Serge, il a du talent. Oui. Il a du talent. Ben, il a la voix aussi. Hein. Il a la voix. Il a. Alors je ne sais pas son disque de Brel. D'ailleurs, je l'écouterai. Oui. Mais je sais la pas. La pochette si, est rouge. Je ne sais pas si ça me plaira. Son visage est au crayon rouge. Pas simple. Le seul qui pour moi a chanté une chanson de Brel, qui m'a sa mascotte, qui m'a beaucoup plu, c'est Abrial. Abrial. Patrick Abrial. Je connais pas. Oh, je connais pas. Qu'est-ce que c'est dommage. Je vais t'envoyer le Il faudrait lien. Que tu l'invites, Patrick. Il ah est... oui. Oh, il a du talent, Patrick Abrial. C'est lui qui chantait « Je t'aime, Marie, je t'aime, je n'ai que toi pour ciel de lit. Je t'aime. » Il a eu un petit succès, mais là, il a un talent, Patrick Abrial. Mais c'est un copain, hein. Je peux l'appeler si tu veux vous mettre en contact. Et lui, je te parle de ça, dans les années 70, ouais. Il chantait Amsterdam, à l'époque, il chantait avec un espèce de clavier, et il le chantait complètement différemment de Brel, mais c'était une défonce. Patrick qui ? Abrial. A ? A-B-R-I-A-L. Ok. Parfait. Tu veux que je donne son téléphone ? Bah, on va pas faire non, ça. Non. Oui. Mais je vais t'envoyer un lien où Diane Dufresne chante « Quand on n'a que l'amour ». Et attache-toi. Alors les femmes c'est différent parce que tu vois ce qui me choque chez les mecs, c'est quand il y a une référence qui se fait brelienne, chante en brel, ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'on est à mi-chemin, quoi, ouais. Mi-parcours. Les femmes c'est différent. Même Nina Simone qui ah a, ouais. voilà, ah ouais, mais tu vois. Et donc c'est différent parce que là, elle recrée vraiment quelque chose. Elle recrée quelque chose. Oui. Si tu étais un autre individu. J'ai pas envie d'être un autre individu. Alors Éric Vincent. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je suis pas sûr d'avoir le choix, mais. Non, mais à choisir. Oui, à oui, choisir. Oui. Oui, oui, comme je te l'ai dit, il y a des regrets de ne pas avoir le don de pouvoir faire plusieurs chemins à la fois. Ubiquité, tu vois. Ubiquité, ouais. Parce que quand j'étais retourné voir ma professeure de violon, il y a longtemps de ça, il y a peut-être 10 ans après avoir abandonné, 15 ans après avoir abandonné le violon, tu vois, j'avais débuté dans la chanson. Et j'avais été étonné, elle m'avait invité à prendre un thé, et elle me dit, mais vous ne regrettez pas de ne pas avoir été un musicien classique, violoniste classique. Et j'avais été étonné de voir qu'elle montrait un regret que je n'ai pas embrassé la carrière classique. Ouais. Pour laquelle je n'avais pas confiance en moi pour la légitimité de faire la légitimité d'arriver peut-être parce que la musique élitiste, c'est ça. Oui. Voilà, mais aujourd'hui que je me rends compte, je sais que je ne serai jamais aujourd'hui, quelles que soient les heures que je peux passer sur le violon, je ne serai jamais à un niveau d'excellence, tu vois. Mais je me dis que peut-être, avec cette espèce de dose de passionnel qui transcende les choses, j'aurais peut-être pu faire une carrière classique, avoir le niveau. Parce que c'est quand même le but. J'ai quand même le sentiment, dans la chanson, de me singulariser. Et c'est vrai que j'ai... C'est un tort, je n'en fais pas une qualité, mais j'ai envie de cette singularité d'excellence et d'excellence, tu vois. Il n'y a pas de premier en musique, en art, on n'est pas le premier, on n'est pas champion de, tu vois, c'est une aberration. Mais d'excellence, l'émulation a besoin de te porter quand même au paroxysme de tes capacités et d'exceller, d'être, tu vois. Et voilà. Je n'apporte rien qui soit certitude, excepté peut-être ma solitude. J'ai marché sur l'eau des trois océans, cueilli un œillet au cœur d'un volcan. Je quitte mes amis sans me retourner pour aller vers eux dans d'autres contrées. Et je me libère, Dieu sait quelle prouesse, des petites combines chic et show business. Je n'ai à t'offrir qu'un peu d'amour, une chansonnette de tous les jours, un petit voyage pour l'immédiat, un trip sans bagage vers mon nirvana. Je sais les enfants qui ne meurent jamais, je sais les adultes qui ne sont jamais nés, des héros sommeillent tout au fond des mers, une fillette sourit dans un matin clair. J'ai vu le soleil embraser la lune, aurore boréale sur une lagune, un albatros plane autour de la terre, emportant tes rêves vers d'autres lumières. Je n'ai à t'offrir qu'un peu d'amour, une chansonnette de tous les jours, un petit voyage pour l'immédiat, un trip sans bagage vers mon nirvana. Terre est ailleurs, mais j'ai pour abri un coin de ton cœur. Je veux voir encore au creux de ton corps où jaillit une source au méandre d'or. Quelques mégalos dirigent le monde, je ne suis qu'une croche qui danse à la ronde. Se tourne un peu vite, ça swing un peu fort, ton moulin s'emballe, meunier tu t'endors. Je n'ai à t'offrir qu'un peu d'amour, une chansonnette tous les jours, un petit voyage pour l'immédiat, un trip sans bagage vers mon nirvana. Alors, quand j'étais plus jeune, je me disais, oh, j'avais. On me disait, quel métier tu veux faire? Non, d'ailleurs, je n'ai jamais formulé comme ça, parce que très jeune, j'ai eu envie d'être musicien et de chanter. Mais c'est vrai que. J'admire beaucoup le sacerdoce des médecins. Ouais. Encore plus des curés? C'est pas la même chose, hein? Non, ils ont leur rôle. Ah oui, c'est ça, ils ont leur rôle. De moins en moins, c'est rendu plus une comédie à Delarté. Mais as-tu beaucoup de projets, même si tu fermes un livre, tu fermes quelques livres, parce que... Bah, les projets, tu sais, on me tanne, notamment, tu parlais de Serge Levaillant. Alors lui, combien de fois il m'a poussé à écrire, parce qu'il pensait que j'écris une plume. Et puis il y a une histoire, surtout plein de choses à raconter. Mais il n'est pas le seul, donc je me dis qu'un jour peut-être, j'en sais rien, mais... Oh, un livre. Mais peut-être que j'en sais rien, je sais pas. Ce serait bien, Mais là aussi, j'ai pas envie d'écrire pour écrire. Mmh. Raconter ton histoire, c'est merveilleux. Je trouve, tu sais, je trouve que... je trouve souvent que la quantité va au détriment de la qualité. Et que les gens font souvent, ils sont souvent dans on fait la course à la quantité. Tu vois, moi je préfère Scott Fitzgerald à Faulkner. Faulkner, j'adore, c'est un grand écrivain. Parce que Scott Fitzgerald, il a écrit 3 livres. Ça me suffit. Dino Buzzati, il en a écrit 2, ça me suffit. Ben ouais. L'essentiel est là. Tu vois, je suis plus dans cet esprit-là. Proust a écrit qu'une seule œuvre. Je suis dans cet esprit-là, voilà. Et donc, si c'est pas indispensable, on se laisse aller à ça. Bon, Georges, que j'adore, que t'es mon ami, Georges Moustaki, ouais. Il a écrit des livres, tu vois. Ouais. Mais autant il a écrit des chansons magnifiques. Ces livres étaient peut-être pas obligatoires. Tu vois, il y a tellement de choses magnifiques. J'aimerais qu'il y en ait moins, mais qu'on s'intéresse plus à la qualité. Ça. Ouais. Enfin, qu'on essaie de plus de cerner l'essentiel. Ouais, quoi. Effectivement. Donc, alors la suite, je fais pas de prédictions. J'en sais rien. Il est possible que je me laisse. Mais si c'est pour raconter toutes mes histoires. J'en sais rien, c'est pas. Non. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup de faire des heures de violon par jour. Ouais, ouais. Je chanterai toujours, je pense. Je crois que j'aurai toujours envie de chanter. Sous la douche. Sous la douche, non. Sous la douche, non, mais non. Prendre ma gratte, mettre au bord de vie un moment. Et c'est sympa, quoi. Pour des gens comme ça, pour une personne, pour autre chose. Mais c'est vrai que. C'est peut-être ça qui me fait dire que voilà, parce que là, il y en a qui me disent, ah, la tournée américaine, tu dis que c'est la dernière, ça ne va pas être la dernière. Si, moi, je te dis que ça va être comme la dernière. Comme André Chevalier faisait. Chevalier a toujours, non, il y a fait 20 ans de rappel. Oui, hein. Oui, mais moi, ça va être la dernière, ouais. Parce que déjà celle-là, et c'est mon souci de, tu vois, j'ai un de mes copains artistes qui me disait l'autre jour, qui vit sur le port, qui me disait, ne donne pas tout, je peux pas, moi, ouais. Ça va être... C'est la défense, ouais, c'est ça. Voilà. Quand tu fais l'amour, tu te dis pas, je vais y non, aller. Non, à peu près, non. Et le spectacle continue. Voilà. The Show Must Go On. Voilà. On le fait ou on le fait pas. Voilà. Drell, voilà. Quand il chantait une chanson, c'était la dernière chanson. Absolument. Absolument. Alors c'est ça. Absolument. Absolument. Parce que le public est là pour s'attendre à ça. Voilà, voilà, voilà. Pour aussi être authentique et fidèle et ne pas rien cacher à ton public. Georges, il a un truc formidable à... enfin, qui était extrêmement... J'étais pas là, hein, mais son dernier... La dernière fois où il est monté sur scène, c'était à Barcelone. Et il était malade déjà, il était très malade. Et il est arrivé sur scène, et au milieu de la première chanson, il a arrêté. Il a dit, je vais pas pouvoir continuer. Et toute la salle s'est levée, et applaudi. Alors il leur a promis qu'il essaierait de revenir, il n'est jamais revenu, non. Évidemment, tu vois. Mais c'est d'une émotion et c'est dur pour c'est formidable, chance. C'est dur, ouais, ouais, ouais. Et Georges, c'était pas... Enfin, il disait que c'était pas... Sur... Je pense qu'il prenait beaucoup de plaisir, mais il disait que c'était pas... qu'il n'avait pas systématiquement besoin de la scène. Il disait ça. Mais bon. Tu savais, avant qu'il soit malade, il venait au Québec à tous les débuts juin. Entre le 30 mai et le 3 juin, il venait faire un spectacle à Québec. Il a fait ça pendant 20 ans. Et je le sais très bien parce que mon anniversaire, c'est le 2 juin et j'allais le voir soit une journée avant, une journée après ou la journée de mon anniversaire. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Ouais, ouais. Et ça reste un homme extraordinaire. Et je veux te laisser discourir de quelque chose avant la fin, avant que je ferme le micro. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Je ne sais pas, tu me dis, je peux vous dire. Je ne sais pas. J'aurais bien aimé, puisque je suis avec le Québec, j'aurais bien aimé retourner au Québec. Mes souvenirs, c'est chez Pierre Jobin, au Petit Champlain. J'en ai pas énormément au Québec. Ça Pierre a été... Jobin qui est décédé il n'y a pas longtemps. Qui est mort il n'y a pas longtemps. Et ma sœur. Qui est, on appelle ça au Québec préposé aux bénéficiaires, mais ici on appelle ça aide-soignante, s'est occupée de lui au dernier moment de sa vie. Ouais, le monde est petit, hein? Moi, il y a fait aussi les oiseaux de passage, la salle, les oiseaux de passage. Oui, je sais bien. Je l'ai revu, il est venu me voir sur le bateau il y a quelques années. Mais c'est vrai que j'ai regretté quand même de ne pas m'être produit plus. Au Québec, d'aller tout ça, c'est une chose que je regrettais, d'aller aux États-Unis tous les ans, pendant 40 ans, et de ne pas avoir rencontré plus ce public québécois. Mais bon, je l'ai rencontré à Québec, je l'ai rencontré un peu à Montréal, mais pas beaucoup. pas beaucoup, et dans un lieu qui était moins... propice. Oui, que le petit Champlain, qui était sympa. Là, ça, qui existe encore, le petit Champlain. Qui existe toujours. C'est merveilleux. Les mêmes murs en pierre. C'est, oui, le son est extraordinaire. Jacques Higelin est venu faire un spectacle qui a duré 3h30. Ma copine était Ah, oui, Jacques, c'était sa spécialité. Ma copine était enceinte de 8 mois, elle n'était plus capable. 3h30 de spectacle assis quand tu étais à quelques jours d'accoucher. C'était... Mais le spectacle, c'était merveilleux. Et Jobin, écoute, malheureusement, lorsqu'il est décédé, il souffrait d'Alzheimer, tout ça. C'était pas sa meilleure facette, oui. C'était pas son meilleur. Voilà, toute fin, oui. C'était pas. Ah non, mais c'est terrible. Ça, ouais, ça ouais. C'est terrible. Il délirait souvent. Ça, c'est pénible. Mais Radio-Canada lui a rendu un très bel hommage. Mais hormis Radio-Canada et CKRL, pas grand monde se souvient de lui. Mais là, tu viens de l'évoquer. Alors, c'est bien. C'était un oiseau de passage, comme tu l'es, comme tous les artistes le sont. Pierre, avec sa voix perchée dans l'aigu. Oui, mais qui était tellement véhément quand tu parlais. Ouais. Ah, ben oui, oui, oui. Il défendait ses artistes comme si c'était ses enfants. Ouais, tout il partait à la guerre à chaque fois tout pour... Tout à fait, ah, ouais. Oui, oui. Il n'y en a plus comme ça. Hein. Ouais. Ou ils sont rares. Ouais. Ouais. Ben, c'est bien ce que tu fais, toi. Ben, écoute, c'est bien que tu viennes à chaque fois. Mais c'était un grand plaisir. Pour moi, c'était un grand plaisir. Ben, c'est réciproque. T'es tellement généreux. Eric, traoudi semaine, traoudi. Tu veux, il n'y a plus de crocodile à cocody? Oui. Daxi, Mélanie. Moi j'étais venu en Afrique pour chasser un gros caïman. Mamadou m'a dit, monsieur Eric, y'a cocody à Abidjan. Y'a cocody à Abidjan, c'est amusant ça. Alors j'ai pris mon grand fusil, mon arc et flèche et ma sagaie, ma nivakine et mon whisky. Et comme j'aime, et comme j'aime, et comme j'aime, et comme j'aime, j'ai entendu des voix chanter. En entendant ces voix de crécelle, Mamadou m'a dit, la nana, pour boiquer, il te faut les jumelles, et puis allô, mets ton doigt là. Boiquer, l'eau, mets doigt là, c'est amusant ça. Alors j'ai pris mon grand fusil, mon arc, mes flèches et ma sagaie, ma nivakine et mon whisky. Et comme j'aime, et comme j'aime, et comme j'aime, et comme j'aime, j'ai entendu des voix chanter. Allez, Léon. Si demain tu viens en Afrique, à Abidjan ou à Douala, il faudra que Mamadou t'explique comment faut chasser la nana. Chasser la nana, c'est amusant ça. Il faut poser ton grand fusil, ton arc et flèche et ta sagaie, ta nivakine et ton whisky. Et comme j'aime, et comme j'aime, et comme j'aime, et comme j'aime. Il n'y a plus de crocodile, la crocodile. Il n'y a